Il a remporté en fin de semaine un gros tournoi de bowling ou de quilles sur le circuit PBA Bowling. On parle évidemment de François Lavoie de Québec. Et question un peu de savoir un peu comment il nous explique un peu sa victoire. On lui parle. Salut François. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Félicitations François d'abord pour ta victoire sur le PBA Bowling. C'est pas rien ce qui est arrivé en fin de semaine, là. Comme je t'ai dit, je connais rien au quilles, là. Sauf que ce que j'ai lu, le peu de choses qu'on a lu sur toi qui venant du Québec, on dit que c'est l'équivalent de gagner un tournoi majeur au tennis ou au golf. Est-ce que c'est vrai? Ce que tu as fait en fin de semaine? Oui, c'est ça. C'est probablement la meilleure comparaison à faire. La PBA, le circuit professionnel de quilles américain, je dirais c'est comparable là, au tennis ou au golf. Puis oui, le tournoi, c'est un tournoi majeur, un des 5 tournois majeurs de la PBA. Donc, ce serait comme gagner un tournoi majeur au golf ou au tennis. OK, US Open. Comment t'as fait pour te rendre là? On sait que tu es un des bons joueurs de quilles aux États-Unis, ça. Tu es dans les 10-15 meilleurs. Mais est-ce qu'il y a des qualifications régionales avant d'arriver à ce tournoi-là qu'on voit? À ce tournoi-là, non, c'est un tournoi du circuit de la PBA. Donc, tous les membres, le tournoi des champions, c'est tous les membres qui ont déjà gagné un titre professionnel sont admissibles au tournoi. Donc, les seuls critères, dans le fond, faut être membre de la PBA, puis il faut avoir gagné un titre professionnel pour s'inscrire au tournoi. OK. Dis-moi, j'imagine que ça, cette victoire-là, c'est certainement l'une des plus grandes victoires des plus grandes, ta plus grande victoire de la carrière. Est-ce que d'un tournoi majeur comme ça, qu'est-ce qui le différencie d'un tournoi mineur? Est-ce que c'est les allées? Est-ce que c'est le prestige? Tu sais, je regarde les US Open, l'Australie, c'est le prestige, et ainsi de suite. C'est ça qui différencie. Est-ce que c'est un peu ça aussi? Oui, exactement. C'est les tournois majeurs. Bon, il y a beaucoup d'histoire derrière ça. Il y a beaucoup de prestige. Il y a la pression. Il y a toutes les choses qui viennent avec les tournois majeurs dans les autres sports aussi. C'est la même chose pour nous au quilles. C'est ça qui fait la grosse différence. Les bourses sont plus élevées. C'est plus tense. C'est ça. C'est comme les tournois majeurs dans les autres sports. Mais oui, c'est vraiment une des Ça a vraiment été une des semaines les plus spéciales de ma carrière. OK. Comment ça fonctionne? On voit le dimanche, c'est à Fox. Ça marche par élimination, quoi? Ouais, ben c'est ça. Ce qu'on voit à Fox, c'est la grande finale. Il y a seulement 5 joueurs. OK. Il reste seulement 5 joueurs dans le tournoi. Puis à cette finale-là, de la façon que ça fonctionne, donc la 5e tête de série va jouer une partie contre le 4e. Le OK. gagnant de ce match-là va jouer contre le troisième. C'est comme on grimpe une échelle un peu. Fait que le gagnant va jouer contre le troisième, le gagnant contre le deuxième, puis le gagnant en grande finale contre la première tête de série. Puis avant ça c'est comme j'ai dit, c'est la grande finale. Il y a seulement 5 joueurs qui restent dans le tournoi. Avant ça, c'est un petit peu comme au golf. Il y a des rondes de qualification où là tout le monde va jouer quelques parties, ben, plusieurs parties. Puis il va y avoir une coupure qui va se faire. Que ce soit habituellement c'est le top tiers des joueurs. Donc si on est 60 joueurs, le top 20, ils vont faire une coupure, le top 20 va revenir pour plusieurs autres parties, puis on continue comme ça avec une coupe de coupure jusqu'à ce qu'on se rende aux 5 finalistes. OK, il y avait combien de joueurs qui étaient inscrits au début? Cette semaine, je pense qu'on était 64. Puis ça, c'est en partie avec la COVID, c'est en partie c'est un tournoi qui était limité. Habituellement, on pourrait avoir beaucoup plus de joueurs, mais cette année, avec la COVID, on essaie de limiter les. Ben, la PBA essaie de limiter les inscriptions. C'est-tu tous des Américains? Ben, il y a des. Ben, t'es là-dedans, tant que t'es un Québécois, mais est-ce qu'il y a des gens des autres pays, des Européens, qui s'en vont sur la PBA aussi? Oui, c'est assez international comme OK. circuit. Il y a plusieurs joueurs. Bon, en ce moment, le meilleur joueur au monde vient de l'Australie. OK. Jason Belmonte est australien. Il y a plusieurs joueurs américains, un peu comme, encore une fois, je compare au golf de la PGA. Il y a beaucoup d'Américains, mais il y a aussi plusieurs Européens. Il y a des joueurs de la Suède, il y a Ah, OK. des joueurs du Danemark, des joueurs d'un peu partout. Donc, c'est devenu assez, surtout dans les dernières années, c'est rendu un circuit qui est assez international. Est-ce que, comment tu trouves, est-ce que c'est que ça s'est quand même joué gros? On sait que c'était présenté à Fox, la première chaîne, en fin de semaine, mais est-ce que ton exploit, parce qu'au Québec, ça a quasiment pas sorti beaucoup. Moi, je l'ai vu sur les médias sociaux. Il y a RDS qui a sorti un petit article sur toi, mais par la suite, il n'y a rien eu d'autre. Donc, est-ce qu'aux États-Unis, est-ce que ta victoire a fait quand même la manchette? Oui, c'est sûr qu'aux États-Unis, c'est plus populaire qu'au Québec. Ouais. Moi, j'ai déménagé ici. J'habite aux États-Unis à temps plein, justement, ouais, pour ma carrière. C'est beaucoup plus facile, c'est plus accessible, plus facile pour l'entraînement aussi, mais c'est sûr que, bon, même à ce niveau-là, on n'aura jamais la notoriété ou les médias seront jamais sur le bowling comme ils le sont sur les autres sports, comme ici, c'est le football, le basketball, ouais, le baseball qui sont populaires. Ça sera jamais à ce niveau-là, sauf que c'est beaucoup plus populaire que ce l'est au Québec. Ben, le fait que c'est présenté sur Fox, la première antenne sur le Fox général, à quelque part, c'est pas rien, là. Ça te démontre Non, un peu c'est ça. ce que c'est ton exploit en fin de semaine, là. Non, exactement. Ce qui rend les quilles très populaires, je pense, ici aux États-Unis, c'est le grand nombre de participants. Il y a beaucoup, beaucoup. Il y a des centaines de milliers de personnes qui jouent aux quilles d'une façon quasi régulière, qui jouent dans des ligues ou qui quoi que ce soit, qui aiment aller dans les salons de quilles. Donc, juste à ce niveau-là, ça donne plusieurs personnes pour les codes d'écoute. Il y a plusieurs personnes qui veulent voir les quilles à la télévision. OK. Là, c'est quoi ta prochaine étape pour toi, pour ton prochain gros tournoi ou encore les prochaines semaines? Tu prends une journée de congé, j'imagine, des semaines de congé ou tu es déjà de retour à l'entraînement? Ben là, en ce moment, on est comme en plein milieu de la saison 2021, en fait. Okay. On a une semaine de congé là entre le tournoi des champions qui a terminé dimanche. Okay. Puis le prochain tournoi recommence déjà samedi. Donc j'ai pris aujourd'hui, ça va être une journée de congé. Mais demain probablement ça va être retour à l'entraînement, puis on va regarder de l'avant puis essayer de se préparer pour les prochains tournois. Une journée de travail dans le cas de François Lavoie, c'est quoi? Ça veut dire c'est de l'entraînement, c'est vrai. C'est quoi toi là, tes journées de travail afin de te préparer? Tu fais-tu beaucoup de cardio? Y a-tu du cardio? Tu fais de l'aller? Ouais, non, il y a du cardio, il y a de l'entraînement physique aussi. Okay. Quand je suis pas en tournoi, quand je suis juste à l'entraînement, une journée de travail, ça ressemble un peu. Je me lève, je prends mon déjeuner, je vais m'entraîner. Entraînement, c'est du gym, c'est de la course ou c'est du gym? Du gym, c'est ça. Parce que bon, le tournoi des champions cette semaine, en tout là, du début de la semaine jusqu'à la finale quand j'ai gagné, ça m'a fait 53 parties de jouer. Okay. En environ 5 jours. Donc, c'est beaucoup de bowling. On est loin du bowling des gens qui vont une fois par année quand les lumières sont fermées avec la musique puis la bière puis la pizza. C'est pas comme ça du tout. Là. Il y a vraiment une grosse distinction entre le bowling recreational en anglais puis compétitif. Donc, au niveau compétitif, c'est sûr que c'est pas un sport, c'est un sport de répétition. C'est pas quelque chose qu'on doit absolument être shapé comme un joueur de hockey ou rien comme ça. Sauf que en jouant, on est dans le bowling, on joue des douzaines de parties par jour. On est là des heures de temps. C'est sûr que le cardio, ça vient faire une différence en bout de ligne. Ben François, félicitations, bravo. Je suis pas mal content d'être pas mal le seul au Québec qui t'a parlé jusqu'à date, là, parce que je suis quand même surpris que ça a pas parlé du tout. Tu sais, on est beau être pas amateur de quilles. Moi, je connais rien, mais le PBA, tout le monde connaît le circuit PBA. Puis d'avoir gagné un tournoi majeur, qui est l'équivalent d'un gros tournoi majeur du US Open, ben, je suis pas mal fier de toi. Puis continue encore une fois, on va essayer de te suivre sur Fox. On sait qu'il y a plusieurs de tes compétitions sont sur Fox, la grosse antenne. Oui, merci beaucoup, je l'apprécie. Voilà, François Lavoie de Québec qui a remporté un tournoi majeur sur le circuit PBA Bowling en fin de semaine.